Il voulait être Al Capone ou Robin des Bois, mais il n'était ni l'un ni l'autre. Al Capone, à côté de lui, n'était qu'un petit garçon, tant ses crimes ont été innombrables. Quant à Robin des Bois, ce n'est même pas la peine d'en parler, même si, effectivement, il lui est arrivé de venir en aide aux plus miséreux de ses concitoyens. Et pourtant, aujourd'hui encore, 10 ans après sa mort, le peuple colombien lui voue un véritable culte. Et dans certaines maisons de Medellín, la photo de ce trafiquant de drogue voisine avec un chromo de la Vierge. Cet homme s'appelait Pablo Escobar. Et il fut sans aucun doute le plus grand narcoterroriste d'Amérique latine. Le plus fortuné aussi. On a estimé qu'au temps de sa splendeur, Escobar faisait partie du club très fermé des 10 hommes les plus riches du monde. Et sa puissance était telle qu'il a pu défier pendant des années les différents gouvernements colombiens, imposant sa volonté, traitant d'égal à égal avec le pouvoir, corrompant les uns et les autres et assassinant dirigeants politiques, juges et policiers qui voulaient en finir avec lui. Il faut aussi tenir compte du climat de violence exceptionnel de la Colombie. Hier comme aujourd'hui, le pays était déchiré par une vraie guerre civile opposant l'armée et la police à plusieurs guérillas d'obédience marxiste. Dans ces conditions, la production et le trafic de drogue ne pouvait être que florissant. Pablo Escobar en particulier a joué avec habileté de ces conflits internes et il ne tombera qu'après une longue traque, une traque soutenue et même pratiquement dirigée par les États-Unis, concernée au premier chef par ce flot de cocaïne qui aboutissait en priorité chez eux. Mais, et c'est la question que j'ai posée à M. X, les Américains n'en ont-ils pas profité pour prendre pied en Colombie, où ils se trouvent toujours d'ailleurs? Avec nos lunettes européennes, il est difficile d'imaginer ce qu'a représenté Pablo Escobar en Colombie, à la tête de ce qu'on a appelé le cartel de Medellín. Il a dominé la vie colombienne pendant près de 2 décennies et pris son pays en otage. Bien que je n'aime pas les superlatifs, je crois qu'on peut vraiment dire que cet homme a été le plus grand bandit du XXe siècle. Suffit de faire le bilan de sa vie criminelle, c'est assez hallucinant. Allez-y, je vous écoute. Non, bon, je vais aller vite. Escobar est responsable de l'assassinat de 600 policiers, de plus de 200 juges, d'un ministre de la Justice, de 2 anciens ministres, de dizaines de journalistes, de 3 candidats à la présidence et d'un nombre incalculable de rivaux ou d'associés. Il faudrait aussi compter tous les innocents qui ont trouvé la mort lors des attentats qu'il a perpétrés. C'est en effet plus qu'impressionnant. Et pourtant, chez les plus pauvres en particulier, ce monstre est encore considéré comme un héros. Alors comment on peut expliquer ça? D'abord, il faut dire que Pablo Escobar a toujours soigné sa publicité. Il s'est régulièrement présenté comme le champion des déshérités. Et malgré ses crimes. C'est la vérité. Et il en a donné des preuves éclatantes dans son fief de Medellín. Il a construit des maisons, des routes, des hôpitaux. Oui, mais grâce à l'argent de la drogue. Bien sûr. Mais les pauvres s'en moquaient, ils voyaient les résultats, c'est tout. En outre, et c'est très important, grâce à la culture de la coca, il faisait vivre des dizaines de milliers de paysans qui échappaient ainsi à la misère. Et la question reste actuelle, oui, car on n'éradiquera jamais la production de drogue si on ne permet pas aux paysans de vivre décemment. Oui, avec des cultures dites de substitution. Évidemment. Alors si vous voulez bien, revenons à Pablo Escobar. Oui, oui, oui. Comment commence-t-il, si je puis dire? Un mot avant. Il y a une réelle tradition de violence dans ce pays. Cette démocratie fondée par Simon Bolivar a connu d'incessantes guerres civiles. Songez qu'à la fin du 19e siècle, la guerre des 1000 jours a provoqué la mort de 100 000 Colombiens. Mais guerre entre qui et qui hein? Entre les libéraux et les conservateurs. Les premiers se battant contre les inégalités sociales et les deuxièmes représentant les élites désirant conserver leurs privilèges. Il faut ajouter que durant chacune de ces explosions de violence, on voit apparaître des milices et des bandits qui en profitent pour tuer ou rançonner. Et ça recommence à la fin des années 40, juste à l'époque où naît Pablo Escobar. Tout de même pas une excuse. Non, bien sûr que non, mais écoutez, ça débute avec l'assassinat d'un candidat à la présidence, un libéral très populaire. Un candidat donc plutôt des pauvres. Oui, immédiatement le pays s'embrase. La violencia, comme on l'a appelé, va durer près de 4 ans et causer la mort de 200 000 personnes. Et les conséquences se font toujours sentir, puisque c'est de cette époque que date la création des guérillas qui ensanglantent toujours le pays. Alors, Pablo Escobar. Malgré cette atmosphère perpétuelle de violence, rien ne semble disposé à devenir le criminel qu'il va être. Sa mère est institutrice et son père est éleveur de bétail. Oh, alors une famille paisible de la classe moyenne, quoi. C'est ça. Famille nombreuse et très catholique, naturellement. Et comme c'est traditionnel en Colombie, d'un catholicisme un peu particulier. C'est-à-dire La religion est encore imprégnée de paganisme. Ah, ouais. Et les idoles anciennes ne sont jamais très loin. Escobar, comme tous les siens, était très superstitieux. Un assassin superstitieux. Ça n'est pas contradictoire, non? Il faut aussi noter que physiquement, Escobar n'avait rien d'effrayant, bien au contraire. C'était un moustachu, plutôt petit et grassouillet, généralement souriant. Mais cet aspect avenant est peut-être dû à sa consommation régulière de marijuana. Ouais. En tout cas, physiquement au moins, c'est tout le contraire d'un monstre. Mmh. Et alors, quand révèle-t-il sa face cachée? Escobar, bien qu'il soit très intelligent, s'ennuie au lycée. Et il arrête ses études avant d'avoir obtenu son diplôme. Il se rattrapera. Ça veut dire, ça y est, va continuer. Ce diplôme qu'on ne lui a pas donné finira plus tard par l'acheter. Ah bah oui, c'est en effet plus simple. N'est-ce pas? Le jeune Escobar verse assez vite dans la voyoucratie dès qu'il arrive à Medellín, la deuxième ville du pays. À Medellín, où existe depuis longtemps une véritable économie parallèle. Il y a la drogue, bien sûr, mais aussi le trafic d'or ou d'émeraude. Très vite, Escobar est décidé à faire son trou au milieu de cette pègre. Il a des atouts pour réussir, il est rusé, il est doté d'un grand sang-froid et surtout, il n'hésite jamais à faire usage de la violence. Alors, quel domaine choisit-il? La drogue? Non, pas tout de suite, non. Il se lance d'abord dans le vol de voitures. Il en fait une véritable industrie. Il vole ou fait voler les autos, puis il les maquille et les revend. Ça, c'est relativement classique. Oui, je suis d'accord. Mais Escobar pratique ses vols à une grande échelle. Il a en effet corrompu des officiers municipaux qui lui donnent des vrais faux papiers pour les véhicules volés. Son affaire est tellement florissante que certains de ses clients le payent pour ne pas se faire voler leur véhicule. C'était assez habile. Escobar ne manquait pas d'ingéniosité. Ouais. Et ça ne lui vaut, toutes ces activités, là, aucun ennui avec la justice? Escobar fait quelques séjours en prison, ah, bien quand sûr. Même. Enfin, jamais très longtemps. Ça ne le dessert pas forcément. En Colombie, encore plus qu'ailleurs, la prison est l'école du crime. Et de la violence. Naturellement. Cette violence qui va prendre de plus en plus de place dans sa vie. Ça commence par le recrutement de Nervi chargé de corriger les mauvais payeurs. Et ça continue par des assassinats, pour l'exemple. Escobar, pour s'imposer, doit faire peur. C'est ainsi qu'il a bâti sa fortune. Et au tout début des années 70, déjà très riche, il passe au cran supérieur et construit son image de justicier. Et pour lui, c'est très important. Oui, parce qu'il veut en quelque sorte justifier ses crimes. Comme vous dites, en quelque sorte. Il y aura toujours deux faces chez Escobar. D'un côté, le gangster impitoyable de cruauté, et de l'autre, le citoyen aimé et respecté qui défend les plus pauvres. C'est pas facile à concilier. Vous avez raison. Et pourtant, il y arrivera. Au début des années 70, donc, il enlève un riche propriétaire qui accapare les terres de petits paysans et les enchasse par la force. Il demande une rançon de 50 000 $. Rançon qui est payée par la famille. Mais ça n'empêche pas Escobar d'assassiner cet homme. Dans cette affaire, il a donc fait coup double, il a gagné une somme coquette et il apparaît désormais comme un héros pour tous les défavorisés. Ouais, leur vengeur. Oui, on ne l'appelle plus qu'El Doctor. Et il n'a alors qu'un peu plus de 20 ans. Mmh. Mais là, dans cette affaire grave quand même, il n'est pas inquiété? Non, on ne pourra jamais rien prouver contre lui dans cette affaire. Mais dans les bidonvilles, chacun sait que c'est lui, Escobar, qui a enlevé et tué ce propriétaire. Et c'est ce qui compte. Mmh. Et quand commence-t-il à s'intéresser à la drogue alors? Oh, très peu de temps après. Il faut se rappeler que c'est surtout dans les années 70 que la consommation de cocaïne progresse de façon spectaculaire, surtout aux États-Unis. Dans les milieux branchés. Et chez les Yuppies, oui. Cette cocaïne est essentiellement produite par la Bolivie, le Pérou et la Colombie. Escobar est rapidement fasciné par la manne que peut rapporter ce trafic. Et déjà, il envisage de rationaliser ce commerce illicite. Ah ben, il n'est pas le seul, j'imagine. C'est évident. Et il y a déjà des gens sur la place de Medellín qui contrôlent le trafic. Notamment un certain Restrepo, qui est le gros bonnet de la cocaïne dans la région. Escobar commence donc par travailler pour ce Restrepo. Plus rapidement, il décide de prendre sa place. Comment? Bon, l'assassinant. Rien de plus simple pour Escobar. Ah oui. Alors, il devient donc le patron du trafic. Oui. Comme il voit les choses en grand, il va industrialiser la production de cocaïne et son exportation vers l'Amérique du Nord. Ce qu'on va appeler le cartel de Medellín. Oui. Toute une organisation très hiérarchisée qui va utiliser des moyens de plus en plus sophistiqués. Imaginez que Pablo Escobar utilisera même des sous-marins automatisés pour transporter ses cargaisons de cocaïne. Il mettra aussi sur pied toute une flottille de petits avions et même des Boeing. C'est ainsi qu'il va peu à peu contrôler toute la chaîne, de la culture de la coca à sa transformation, puis à son transport. Et toujours alors dans l'impunité totale. Il a quand même failli être inquiété quelques mois après son mariage, en 1976. Oui. La police avait trouvé une grosse quantité de cocaïne dans l'un de ses camions. Et ça pouvait lui valoir des années de prison. Et il s'est débrouillé pour que le magistrat qui devait instruire son affaire se récuse. Mais comment alors? D'une façon très simple. Ce juge avait un frère, avocat, avec lequel il ne s'entendait pas. Escobar l'a engagé pour sa défense. Oui. Le magistrat ne pouvait plus décemment instruire. Ensuite, il a acheté le juge qui lui a succédé. Et si ce deuxième magistrat avait refusé, il est certain qu'il l'aurait fait assassiner. Plata ou plomo, l'argent ou le plomb, telle était la devise de Pablo Escobar. Il n'a jamais hésité à l'appliquer. Le journaliste et écrivain Jean-François Fogel a consacré un livre à Pablo Escobar. J'en extrais cet intéressant portrait. Pendant des années, Escobar a occupé une situation sans équivalent, devenu un mythe pour ceux qui le dénoncent ou le célèbrent. Il est en même temps une cible désignée par les institutions. Providence du romanesque, il déploie une violence sans précédent avec du mandrin pour la cruauté, du romanébois pour ce qui a trait à l'ironie, du bakounine dans la rage destructrice, de l'Al Capone par l'ampleur de la criminalité. Mais tout cela en plus riche, en plus sanglant, en plus grand surtout. Même la saga du crime au temps de la prohibition aux États-Unis ne peut être comparée. Il s'agissait au mieux d'une partie de gendarmes et de voleurs. Avec Escobar, c'est l'Amérique latine et sa peine à vivre qui est mise à nu. Tout se trouve dans son aventure, le poids de la violence et celui de la corruption, la faiblesse de l'État et la puissance du dollar, l'immensité de la nature, l'inépuisable rémanence du passé, le fatalisme guetté par le tragique, la conviction que le monde appartient toujours à autrui, que l'histoire est faite au bénéfice des autres, que ceux qui gagneront sont ceux qui ont déjà gagné. L'ouvrage de Fogel, Le Testament de Pablo Escobar, a été publié en 1994 par Grasset. Vous parliez d'impunité tout à l'heure, et c'est vrai que pendant des années et des années, Escobar va bénéficier d'une impunité impensable chez nous. L'intolérance zéro. Oui, comme vous dites, Escobar et son cartel gagnent des montagnes de dollars. L'argent coule à flot à Medellin, et cet argent sale, comme on dirait aujourd'hui, irrigue l'économie locale et remplit les caisses des partis politiques. Alors, il devient intouchable. Pratiquement, oui. Et pourtant, il ne fait rien pour dissimuler sa fortune, bien au contraire. Il acquiert des résidences, toutes plus luxueuses les unes que les autres. Il construit des héliports, des aéroports, des réseaux routiers. Il achète des discothèques, des équipes sportives, et je ne parle pas de sa collection de voitures anciennes. Ouais. Bref, il ne se cache nullement. Non. Et je me répète, il consacre des millions de dollars à améliorer la vie de ses compatriotes les plus déshérités. C'est pourquoi, malgré les meurtres et les enlèvements qu'il commandite régulièrement, il demeure extraordinairement populaire. Ouais, mais tout le monde sait, pourtant, que cet argent provient du trafic de drogue. Naturellement, mais ça ne choque pas grand monde. Après tout, à quoi sert cette drogue, sinon à corrompre la jeunesse gringo? Escobar joue donc, en quelque sorte, de l'anti-américanisme latent dans cette partie du monde. Sans nul doute, la haine des gringos. Son activité, c'est en tout cas ce qu'il veut faire croire, participe d'une certaine façon de la lutte anti-impérialiste. Ouais, c'est un peu gonflé quand ouais, même. Et Escobar en joue de façon très astucieuse. J'ajoute qu'à cette époque, le trafiquant joue sur du velours. Le pouvoir politique colombien est alors très affaibli. Et donc susceptible d'être corrompu. Bien entendu, et puis il y a la guerre civile qui déchire toujours le pays. Et la guérilla. Oui, les guérillas plutôt, car il y en a plusieurs. Enfin, je ne vais pas entrer dans le détail, car ce serait trop compliqué. Sachez simplement que ce sont des mouvements révolutionnaires très violents, d'inspiration marxiste, et qui sont essentiellement implantés dans les zones rurales. La principale guérilla, celle dont vous avez forcément entendu parler, c'est celle des FARC, des Forces Armées Révolutionnaires de Colombie. Ouais, ce sont les FARC qui ont enlevé une grille de Bettencourt il y a plus d'un an. Oui. Mais, justement, quelle est l'attitude de Pablo Escobar face à la guérilla? Parce que ce sont dans les zones rurales qu'on cultive la coca, forcément. Ah, bonne question. Je vous en remercie. Bon, prenez pas la mouche. Quand même. Oh. Donc, ses rapports avec la guérilla, bon, ça n'est pas très clair. Dans un premier temps, Escobar a été tenté de faire cause commune avec ses guerrieros qui affirmaient lutter eux aussi au nom du peuple. Il a conclu de nombreux arrangements avec eux. Mais au fur et à mesure, le cartel de Medellin et les FARC sont ouvertement entrés en concurrence. Pour quelle raison? Mais Escobar et les siens sont devenus peu à peu les plus grands propriétaires terriens de Colombie. Ils sont donc devenus presque naturellement les adversaires de la guérilla qui entendait prendre la défense des paysans les plus pauvres et surtout continuer à contrôler les régions où elle était implantée. Et peut-être même prendre sa part du trafic de drogue. Bon, ça c'est certain. Des luttes armées très féroces ont donc opposé les guérilleros et les milices privées armées par Escobar et entraînées par des Américains ou des Israéliens. Et c'était tout bénéfice pour le chef du cartel de Medellin, qui aux yeux des dirigeants de Bogota apparaissait comme l'un des artisans les plus efficaces de la lutte anticommuniste. Mais les dés étaient pipés, car en réalité Escobar a assez vite mis fin à cette rivalité très coûteuse. Il a conclu un pacte avec les guerrilleros ? C'était plus raisonnable. Les deux parties ont conclu un véritable accord de coexistence pacifique. Les FARC, mais aussi les autres guérillas, ont prélevé leur dîme sur la culture de la coca et sa transformation en cocaïne. Ce sont même les révolutionnaires qui ont fixé les salaires des ouvriers agricoles et les redevances dues aux propriétaires des champs. C'était mieux pour tout le monde. Si on peut lire. Hein. Mais c'est la réalité. Et encore aujourd'hui, les FARC vivent du trafic de drogue et des enlèvements. Mais je ne vous apprends rien, bien sûr. Toutefois, ce qui est important dans l'histoire de Pablo Escobar, et c'est presque la pente naturelle qu'il devait suivre, c'est qu'il a été très vite chatouillé par l'envie de devenir un homme politique. Pourquoi ? Par souci d'honorabilité ? Certainement. Oui, chez lui à Medellín, il était le roi, le bienfaiteur de la cité, richissime, respecté, aimé même. Mais ça ne lui suffisait pas. Il voulait jouer un rôle public et national, en fait, mais je ne veux pas faire de la psychologie à bon marché. Je pense qu'Escobar voulait prendre sa revanche. Sa revanche, mais sur qui ? Escobar était très populaire, mais il était toujours méprisé par les élites de sa ville. Et il ne le supportait pas. Il voulait devenir quelqu'un. Voilà, son ambition était sans limite. Et c'est ce qui finira par le perdre. Car sans détenir aucune fonction officielle, il tirait déjà les ficelles de la vie politique de son pays. Il finançait les campagnes électorales des uns et des autres. Il avait un pouvoir immense. Un pouvoir qui lui permettait d'échapper à la justice. Mais il en voulait toujours plus. En fait, ce qu'il désirait au-delà de tout, c'était apparaître sur le devant de la scène. Devant de la scène politique, vous voulez dire, c'est oui, ça? Oui, ça le démangeait au fond de lui-même. Escobar était persuadé qu'il était un grand homme. Et il s'identifiait souvent à Pancho Villa, le révolutionnaire mexicain. Ouais, c'était de la paranoïa, non? Ça, on ne peut pas l'exclure, mais ça ne pouvait pas nuire à sa carrière politique. C'est vrai, oui. Escobar n'ambitionnait pas moins que la présidence de la République. Il l'a déclaré à plusieurs reprises. Et alors sa vie de gangster, de trafiquant de drogue Dorénavant, Pablo Escobar se présentait comme un paisible commerçant qui avait commencé à construire sa fortune en louant des bicyclettes puis des voitures. Ça ne pouvait pas tromper grand monde, quand même. C'est juste. Mais il vous faut aussi comprendre qu'en ces temps-là, le narcotrafic ne suscitait pas les mêmes condamnations morales qu'aujourd'hui. En Colombie, en tout cas. La culture de la coca et sa transformation en cocaïne étaient presque considérées comme des activités normales qui assuraient une partie importante des ressources du pays. En outre, la drogue n'était pas consommée sur place, mais exportée. Puis il y avait aussi tous ces hommes que Escobar achetait. Oui, Escobar, qui contrôlait 80% du trafic de cocaïne, était incontestablement l'homme le plus puissant de la Colombie. Il pouvait acheter n'importe quoi et presque n'importe qui. Alors, bon, la politique... Il commence à s'en occuper sérieusement en 1978, je crois. Tout en se faisant élire au conseil municipal de Medellín, il finance à égalité la campagne des deux principaux candidats à l'élection présidentielle. Il est donc sûr de miser sur le bon cheval. Et dans le même temps, il soigne son image publique, il engage des publicitaires, il crée un journal, des associations caritatives et s'efforce de faire oublier son passé criminel. Ça fonctionne ? Très, très bien. En 1980, il donne un coup de main à la création d'un nouveau parti politique, situé plutôt à gauche. Et 2 ans plus tard, il est élu député suppléant. Seulement suppléant. Pour l'instant, Escobar s'en moque, parce qu'en Colombie, le suppléant dispose des mêmes droits que le député. Il peut même siéger au Congrès quand celui-ci est absent. Et puis, il jouit de l'immunité parlementaire, ce qui, pour un homme comme Escobar, n'est pas dénué d'intérêt. Et ça tombe particulièrement bien, parce que le ciel s'assombrit pour lui. La Colombie vient en effet de signer un traité d'extradition avec les États-Unis. Oui, c'est-à-dire que les narcotrafiquants colombiens peuvent désormais être extradés aux États-Unis pour y être jugés. C'est cela, oui. Cette question va avoir une importance considérable et contribue à faire de la décennie 80-90 l'une des plus sanglantes de l'histoire de la Colombie. J'ai consulté un autre livre consacré à l'histoire de Escobar. Écrit par un journaliste américain, Mark Bowden, et paru chez Plon, cet ouvrage « Il faut tuer Pablo Escobar » se lit comme un roman policier. En voici un extrait. Bowden évoque la période qui a suivi l'élection du trafiquant. À l'occasion de cette élection, Pablo devint un personnage public populaire. Aux yeux d'une presse de Bogota de plus en plus importante, il devenait le Robin des Bois paysan. En avril 1983, le magazine Semana brossa de lui un portrait chaleureux, faisant seulement remarquer que les sources de sa fortune n'ont jamais cessé d'être l'objet de spéculations. Agitant ses diamants et sa Rolex en or, reconnaissant posséder une flotte d'avions et d'hélicoptères et de vastes propriétés à travers le monde, Pablo, dans cet article, faisait remonter l'origine de sa fortune, estimée à 5 billions de dollars, à une affaire de location de bicyclette qu'il disait avoir créée à Medellín à l'âge de 16 ans. J'ai consacré quelques années à la loterie, puis je suis entré dans les affaires de vente et d'achat de voitures, et j'ai fini par être propriétaire. C'était évidemment absurde. Dans le monde entier, les gens qui faisaient respecter la loi le considéraient comme un infâme trafiquant de cocaïne, et en privé, il se vantait lui-même des origines de sa fortune. Mais si le prix à payer pour un succès en politique consistait à forger une explication fausse et légale de sa richesse, Pablo était prêt à faire un petit clin d'œil en hochant la tête, afin de s'ouvrir la route du pouvoir. À la fin de l'année, ses projets semblaient de plus en plus ambitieux et sans limite. La signature de ce traité d'extradition pour les narcotrafiquants, ça signifie donc que les Américains commencent à s'inquiéter. Oui, ça ira crescendo. Et dans le même temps, remarquez-le bien, Escobar va créer un véritable mouvement contre ce traité, le mouvement des extradables. Ce faisant, il se dénonce. Peu importe, en Colombie, tout le monde sait qui il est. Toutefois, c'est vrai, son étoile va commencer à pâlir, à cause essentiellement de son élection. Tant qu'il demeurait dans l'ombre, on pouvait l'oublier. On faire semblant de l'oublier, oui. Mais maintenant, il est en pleine lumière. Et ses propres amis politiques se disent que sa présence est peut-être un peu encombrante. Et ils vont le lâcher. On peut pas faire autrement. À Washington, le président Reagan a décidé d'intensifier le combat contre les narcotrafiquants. Et le principal d'entre eux, régulièrement dénoncé par la presse américaine, n'est autre que Pablo Escobar. Mais le parrain de la drogue résiste. Entouré de ses gardes du corps, ce qui ne fait pas très bon effet, il se défend publiquement au Congrès. Mais c'est déjà trop tard. Peu après, il est exclu du parti qu'il a contribué à créer et qu'il a généreusement financé. Ingratitude. Ouais, Escobar est fou de rage. Et sa fureur se fixe sur le ministre de la Justice, Rodrigo Lara, un homme de son propre parti qui a décidé d'engager la lutte contre l'argent sale. C'est assez hypocrite, non? Bien sûr, puisque ce parti a d'abord profité de cet argent sale, mais enfin, peu importe. Lara, accusé par Escobar d'être un suppôt des Américains, est désormais une cible. Et en 1984, Escobar le fait assassiner. Pour le gouvernement colombien, c'est une véritable déclaration de guerre. C'est aussi le commencement de la fin pour Escobar, car les Américains se font de plus en plus pressants. Est-ce qu'ils interviennent directement? Oui. Dès cette époque, ils conseillent et aident la police colombienne. À Washington, c'est le vice-président, George Bush, qui coordonne la lutte. Une lutte qui n'est pas dépourvue d'arrière-pensée. Mais qu'est-ce que vous voulez insinuer, là? Il s'agit tout autant de combattre les narcotrafiquants que les guérillas pro-communistes. Ouais, je vois. Et le prétexte est tout trouvé, puisque ces guérillas collaborent avec les trafiquants. En 1984, la police colombienne porte un premier coup aux intérêts de Pablo Escobar. Au cours d'un raid en pleine jungle, avec l'aide américaine, plusieurs laboratoires et avions sont détruits et une quantité impressionnante de drogue est saisie. Et comment réagit Escobar alors? Non sans culot, il écrit à l'ambassadeur américain, il accuse les États-Unis de violation flagrante de la souveraineté de la Colombie. Mais malgré cette provocation, il comprend vite qu'il est maintenant personnellement en danger. Et il fuit au Panama. Chez Noriega. Ouais, Noriega, qui est à la fois un agent de la CIA et un trafiquant de drogue, lui aussi. Alors, il peut espérer, Escobar peut espérer être très bien accueilli. Oui, mais enfin, son vœu le plus cher, c'est de retourner en Colombie. Et il essaie de négocier avec le gouvernement de son pays. Il est prêt à tout, et même à collaborer à l'éradication du trafic de drogue, si le traité d'extradition est aboli. C'est une vraie fixation chez lui. Ouais, et Bogota accepte? Non, c'est impossible. Le gouvernement colombien ne peut pas négocier avec l'homme qui vient de faire assassiner son ministre de la Justice. Toutefois, l'exil d'Escobar est de courte durée. Bientôt, il revient chez lui à Medellín. Finalement, il juge que c'est là, parmi les siens, qu'il est le plus en sécurité, et il reprend son existence dorée. Sans être inquiété? Non, mais ce n'est pas ça qui est le plus étonnant. Escobar, avec des centaines de millions de dollars, aurait pu se trouver une retraite heureuse dans quelque île paradisiaque, mais non. Son destin est colombien, uniquement colombien, et il est toujours décidé à faire abroger ce traité d'extradition. Et à force de pots de vin et de menaces, il parvient brièvement à ses fins. Est-ce que le traité d'extradition va être aboli? En 1986, oui, par la Cour suprême. Mais il est aussitôt rétabli par le président nouvellement élu. Et comment réagit Escobar, alors? Eh bien, en faisant assassiner des juges et des journalistes, désormais c'est la fuite en avant. Et une véritable chasse à l'homme s'organise, tandis que le narcotrafiquant multiplie les exactions, meurtres ou attentats à l'explosif. En 1989, Escobar ira même jusqu'à faire poser une bombe dans un avion civil où se trouvaient des hommes qui l'avaient trahi. Il y aura une centaine de victimes. Ouais, mais enfin, cette violence était forcément sans issue. Non? Pour Escobar, non. Il pensait toujours qu'il pourrait négocier d'égal à égal avec le gouvernement colombien. Il misait sur la lassitude de l'opinion, terrorisée par ses attentats meurtriers. Et la cohorte d'avocats qu'il avait engagés ne cessait de trouver un terrain d'entente avec le pouvoir. Non, mais c'est quand même déraisonnable. La Colombie, même s'il y avait des problèmes, une guerre civile était quand même un état de droit. Oui, je suis d'accord. Et pourtant, Escobar va arriver à ses fins. Et c'est tout à fait étonnant. Je vous explique. En 1991, en grande âme des policiers qu'il traque et des Américains, il parvient à un accord avec le gouvernement. Et il accepte de se faire arrêter. C'est une bizarre expression, ça. Oui, hein. Qui correspond parfaitement à la réalité. Escobar se rend. mais pas à n'importe quelle condition. D'abord, il s'est fait construire sa prison sur un terrain lui appartenant, un bâtiment luxueux d'où il pourra continuer à s'occuper de ses affaires et recevoir qui il voudra. Ensuite, il a exigé de n'être inculpé que pour des broutilles. Pas question d'évoquer les assassinats, les attentats, le racket, non, non. Escobar ne répondra que de son rôle d'intermédiaire dans un trafic de drogue à destination de la France. C'est inimaginable. Oui, et la suite ne l'est pas moins. Dans sa cage dorée qu'il quitte parfois pour aller assister à des matchs de football, Escobar vit comme un nabab, mais ça agace. Le gouvernement colombien. Et les Américains qui pressent Bogota de mettre fin à cette situation ridicule et humiliante. Ça devient encore plus évident lors de l'été 1992. Des associés d'Escobar, censés lui avoir manqué, sont assassinés alors qu'ils venaient le rencontrer dans cette pseudo-prison. Il est décidé de transférer le narcotrafiquant dans une vraie prison. Un vice-ministre de la justice se déplace. Mm-hmm. Il est pris en otage et Escobar profite de la confusion pour jouer la file de l'air. Ouais, encore incroyable. Et la traque recommence. Oui, mais maintenant les Américains vont mettre tout leur poids dans la balance. Toutes leurs agences, CIA, FBI, NASA et DEA, mais aussi les forces spéciales de l'armée sont mobilisées. Plus de 100 agents sont envoyés à Bogota. Des centaines de millions de dollars sont mis à la disposition de cette formidable chasse à l'homme. Une véritable lutte à mort. Parce que le but, c'est de tuer Escobar. Et tous les moyens sont bons. La police colombienne et ses alliés américains n'hésitent pas à faire cause commune avec l'autre cartel de la drogue, celui de Cali. Dirigé par deux frères qui présentent mieux que Escobar, ce cartel brûle en effet de prendre la première place. Mais plus préoccupant encore, on met en place un groupuscule clandestin, Los Pepes. Qu'est-ce que c'est que ça? Los Pepes, c'est l'acronyme de Perseguidos por Pablo Escobar. Ah. C'est-à-dire les persécutés de Pablo Escobar. Mmh. En principe, Los Pepes regroupe donc des gens qui ont eu à souffrir des agissements du narcotrafiquant. En fait, il s'agit d'une milice privée qui va lutter contre Escobar avec les mêmes armes que celles qu'il utilise, c'est-à-dire le crime et les attentats. Et les hommes du cartel de Medellín vont tomber par dizaines. Avec l'accord des autorités? Ça me semble évident. Et les agents américains ne doivent pas non plus être fâchés, parce que Los Pepes vont les aider considérablement. Le but, c'est d'isoler progressivement Escobar en éliminant physiquement ses hommes de main, ses sicarios, comme on les appelait. Ce qui n'empêche pas Escobar de riposter par des attentats toujours plus meurtriers. Mais c'est vrai, il est peu à peu acculé. Et à plusieurs reprises, il a failli être découvert. Et à chaque fois, il a pu s'échapper. Oui, Escobar, qui connaissait parfaitement le pays, disposait de tout un réseau de cash. D'autre part, il avait corrompu suffisamment de policiers pour être prévenu à l'avance des opérations qu'on tentait contre lui. Et les Américains et les Colombiens ont fini par constituer au sein même de la police, et très certainement en liaison avec Los Pepes, une unité spéciale où le secret le plus absolu était de rigueur. Comment va-t-il finir par tomber? Grâce à la technologie. Mais expliquez-moi. Les agents américains et leurs collègues colombiens avaient installé tout un système d'écoute destiné à localiser Escobar. Et en effet, celui-ci, de plus en plus isolé, ne disposait plus que de son téléphone cellulaire pour communiquer avec ses hommes et surtout son fils qu'il adorait. Et grâce à ce qu'on appelle la triangulation, fin 1993, les policiers ont fini par découvrir sa cage dans une maison de Medellín. Ils ne lui ont laissé aucune chance. Escobar a été abattu alors qu'il essayait de s'enfuir par le toit. Alors, fin de l'histoire? Non, non, car l'élimination de Pablo Escobar n'a en rien diminué le trafic de drogue. Les dirigeants du cartel de Cali, qui avaient participé à sa traque, avaient déjà pris la relève. Puis il y avait les guérillas, et même les clandestins de Los Pepes, qu'on retrouvera bientôt à la tête de groupes paramilitaires. Les Américains, largement présents en Colombie, n'avaient donc rien résolu, et leur implication ne va cesser d'augmenter. Toujours sous le prétexte de la lutte contre le trafic de drogue. Mais si vous le voulez, nous en parlons une autre fois.